gentlemen, boys and girls, let's get ready to rumble! From New York City, New York, the Funkadelic Boogie Bro! It's time to dance, it's time to dance! Dance, sucker! Trop de tard, mes verres, mais trop d'empreintes aux fêtes qui nous amènent trop souvent vers. Le cul, l'école, actu, l'alcool, le coke, la colle, clique, la colle. On se vénère, mais on admire celui qui croque la pomme, celui qui troque son âme, pendant son froc, la somme, pendant le fric, le trône, celui qui prône la frime. Trop peu de beaucoup, trop de passion dans les couilles, à la folie ou pas du tout, c'est toujours trop quand ça s'écoule. Trop peu de beaucoup, trop de déjà voir du hardcore, trop de racailles, j'suis d'accord, mais dans ta boue. Clique la colle, trop de types d'emprunt, trop de tripes d'orprunt, trop peu de flics sereins, avec les tripes morts plein, trop d'orphelins de la rime, trop de fin de régime, trop de coups bas pour la prime, c'est comme la fin qui la régit, comme réagir avec des mots qui sont présents, mais se trahir car sans le geste on est absent, comme se guérir de nos mensonges et on y songe sans plus, y'a que le temps qui te fait voir que t'as chopé le virus, trop de fraises dans mes couplets, flow sous les projos, trop de MC rêve de complot, ça se voit dans les projets, ça se voit dans tes compos et ça repose de trop frère, sur un micro et un martyr qui se fait meurtrir, jeu de mots. Et même ça c'est osé, comme un clash avec le tel, comme une pelle vient se poser avec ses jambes dans une cervelle. Et cervelée de masse, déplacée en troupeau, des pensées qu'on nous chasse, ça sent impur sur le drapeau. Trop peu de beaucoup, trop de passion dans les couilles, à la folie ou pas du tout, c'est toujours trop quand ça s'écoule. Trop peu de beaucoup, trop de déjà voir du hardcore, trop de racailles, j'suis d'accord mais dans ta boue. Trop vanté la dose, mais trop skin et la cause. Trop menté le vice, frère, que trop balé la dose. Clic, clac et la trouille, trop crade et la prouve. Trop hard et la prouve, mais trop tard et la cause. Trop vanté la dose, mais trop skin et la cause. Trop menté le vice, frère, que trop balé la dose.